Admirez la démonstration, vous allez saigner le son, soyez-en sûr. Le beat est costaud, il a fait des tractions. Élévation sur la casquette, rappeur aux multiples facettes. Je sais enrouler dans le rap comme sur la 7. Mon son graille, vous allez lécher l'assiette, je sais. Oh c'est terrible, mais comment fait-il? Je suis jardinier, man, j'ai l'inspiration. Je tricote avec les mots, je suis même dans le textile. La concu en panique, se met à devenir hostile. Je fais de la musique pour le lire, des. Je ne sais pas vous, mais pour moi c'est trop facile. Comme Zidane, pour moi c'est inné. Je touche le succès du doigt, il en est tactile. Quand tu pètes le bac, t'es en zouzou. T'as eu ton permis, t'es en zouzou. Tu sers une bastos, t'es en zouzou. T'as trouvé ta hlel, t'es en zouzou. A zouzou, a zouzou, eh. A zouzou, a zouzou, a zouzou. A zouzou, eh. A zouzou, a zouzou. Premier CDI, t'es en zouzou. Tes potes se marient, t'es en zouzou. Une soirée maison, t'es en zouzou. D'y est sans un son, t'es en zouzou. A zouzou, a zouzou, eh. A zouzou, a zouzou, a zouzou. A zouzou, eh. A zouzou, a zouzou. Vous avez pas fini de m'entendre. Pas sur moi pour vous lâcher la grappe. À la base, je faisais même pas ça pour vendre. Je finirai dans tous les tels comme la Bisnap ou WhatsApp. ONE, je leur dis what's happen. Je fais mes dièses, le reste, je m'en tape. Tape, tape, tape, tape. On vient kicker sur de l'afro-trap. Comme Roberto Carlos, ça c'est de la grosse frappe. Un génie de la musique, je suis le Black Mozart. Quand il faudra me signer, il sera déjà trop tard.